L'inconnu de Pérol, CD numéro 8. Pascal ouvrit la bouche, la referma sans avoir proféré un son. Lucien Lestrade la regardait avec une satisfaction manifeste, comme s'il était fier de son élève. Elle observa de nouveau le parc autour d'elle, et soudain ce fut si simple, si évident. « Refermez les grilles en partant, voulez-vous » Sans plus s'occuper de lui, elle se mit à courir vers la maison. Puisqu'elle possédait le moyen de vérifier son intuition, elle n'attendrait pas une minute de plus pour le faire. À bout de souffle, elle s'engouffra dans la cuisine, où Aurore était en train de ranger les dernières provisions. « Viens avec moi, on file à Toulouse !» D'abord médusée, Aurore voulut protester, mais Pascal avait déjà ramassé son sac et ses clés de voiture.